Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le suicide de Patrick Devers, le 16 juillet 1982. Cher Patrick, je te le dis maintenant sans gêne et sans drame. J'ai toujours senti la mort en toi. Pire, je pensais que tu nous quitterais encore plus vite. C'était une certitude terrible que je gardais pour moi. Je ne pouvais rien faire. J'étais le spectateur forcé de ce compte à rebours. Ton suicide fut une longue et douloureuse maladie. Ces quelques mots, extraits d'une lettre posthume de Gérard Depardieu à Patrick Devers, disent avec force et justesse la fatalité d'une tragédie qui ébranla le cinéma français en cet été 1982. Ce jour-là, l'acteur Patrick Devers, 35 ans, met fin à ses jours. Il est pourtant au sommet de sa gloire. En à peine 15 ans et une trentaine de films, il s'est imposé comme l'un des acteurs les plus brillants de sa génération. Tour à tour, voyou, flic, paumé, juge au footballeur, il marque de son empreinte les films dans lesquels il joue, jusqu'à se confondre totalement avec ses personnages, saisissant alliage d'écorchés vifs et de folie, d'impulsivité et de fragilité. Dans la vie, comme dans ses films, Patrick Devers est toujours sur un fil, en équilibre avec l'alcool et la drogue comme compagnon d'infortune. Parti trop vite, il incarne encore aujourd'hui l'acteur d'une génération, celle de la décennie 1970, balancé entre les espoirs soulevés par la révolte de 1968 et les dérives d'une jeunesse en mal de vivre. En seconde partie d'émission, nous recevrons Thomas Borès, journaliste pour le mensuel studio CineLive. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonhomme avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Juliette Delpero. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Comme toujours au cinéma, au départ, il y a une image. Là, c'est une photo, la dernière. Patrick Devers est à gauche, de profil, torse nu, les bras saillants, les poings qui montent la garde. Le sourire au coin des lèvres, on distingue sa célèbre fossette au menton. Face à lui, l'actrice Evelyne Bouix, tout sourire également. Elle porte des grandes boxes. Il est environ 9h ce matin du vendredi 16 juillet 1982 dans le bois de Boulogne. Les deux acteurs font des essais devant la caméra du réalisateur Claude Lelouch. C'est le temps des derniers préparatifs d'Edith et Marcel, l'histoire d'amour entre le boxeur Marcel Cerdan et la chanteuse Edith Piaf. Pour ce rôle, Patrick Devers s'entraîne depuis plusieurs semaines. Après la séance d'essai, Claude Lelouch et Patrick Devers déjeunent ensemble. L'acteur pose un tas de questions au metteur en scène sur son personnage, ses intentions, la vie de Marcel Cerdan. Un coup de téléphone pour Patrick Devers interrompt le repas quelques minutes. Après le déjeuner, l'acteur doit se rendre à la salle de boxe pour son entraînement quotidien. Un ami propose de l'accompagner, mais au bout de quelques minutes en voiture, Patrick Devers lui demande de s'arrêter. Il doit repasser chez lui. Il prend un taxi jusqu'à l'impasse du Moulin Vert, dans le 14e arrondissement de Paris, là où se trouve sa maison. Au premier étage, en ce début d'après-midi ensoleillé, Patrick Devers saisit la carabine 22 long rifle que son ami Coluche lui a offerte et met fin à ses jours. On l'appelait souvent l'enfant terrible du cinéma français. Il était sans doute l'un des acteurs les plus doués de sa génération. Patrick Devers, 35 ans, découvert inanimé cet après-midi à son domicile à Paris. Patrick Devers, qui a si souvent joué des rôles d'anti-héros, victime d'événements dramatiques, vient donc de finir sa vie comme les personnages qu'il avait coutume d'interpréter. Patrick Devers faisait partie de la nouvelle génération des acteurs français des années 70. Décontracté, généreux, gai, il croquait la vie à pleines dents sans se soucier du lendemain. Il était marié, selon sa famille, il était déprimé. Il avait tourné une trentaine de films. Il était devenu le symbole d'une jeunesse qui refusait les valeurs d'une autre époque et un ordre moral figé. Très rapidement, policiers, médecins et journalistes se retrouvent devant le domicile de l'acteur. Patrick Devers n'a pas laissé de mots, si ce n'est une liste de choses à faire pour son domestique. Aucune trace d'alcool ou de drogue sur les lieux, l'autopsie confirmera qu'il n'en avait pas consommé. Deux semaines auparavant, il était en Guadeloupe avec sa seconde femme, Elsa, et leur fille dans la maison de Coluche. Il était rentré sans elle pour les préparatifs du film de Claude Lelouch. Le réalisateur est ainsi l'une des premières personnes à arriver sur les lieux. Rien, absolument rien, ne pouvait laisser penser une chose pareille. On dit tout de même qu'il se droguait. Que vous le savez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait tout de même en parler? Écoutez, d'abord, c'est pas à moi de parler de ce genre de choses. Et puis, moi, je peux vous garantir que depuis un mois et demi, deux mois, qu'il s'entraînait pour le film, il était au régime sec. Et je crois pas qu'on arrive à une forme de boxeur en se droguant. C'est impossible. Je crois que personne ne pourra... Enfin, moi, je peux pas expliquer... Je peux pas expliquer. C'est d'abord et fort logiquement la stupeur et l'effroi qui dominent après l'annonce du suicide de l'acteur. Les journalistes, eux, ne perdent pas de temps pour soulever ses problèmes de drogue, ses démons intérieurs. Ses proches, eux, ne comprennent pas. Tous l'admettent depuis toujours, oui, il y avait une blessure, une fêlure chez Patrick Devers. Mais de là, mettre fin à ses jours, comme ça, sans signe avant-coureur apparent, ni confidence. Le réalisateur Bertrand Blier, un ami de l'acteur, lui aussi se rend rapidement devant la maison de Patrick Devers. Pour moi, Patrick, aujourd'hui, c'est pas un acteur, c'est quelqu'un de ma famille qui vient de disparaître, c'est tout. Je crois que c'est un geste qu'on ne peut jamais expliquer. Je crois que y a des gens qui portent ça en eux et puis d'autres pas. Ça n'a rien à voir avec le problème de l'existence. Enfin, je l'ai vu hier soir, il est venu chez moi bavarder. J'étais loin de m'attendre à ce genre de surprise. Il était en forme. Il était content, il avait des projets. Et... J'arrive pas à réaliser encore. Comment en effet expliquer un tel geste? Question sans réponse. Le suicide garde toujours sa part de mystère, d'insondable, d'intime. Cependant, à travers le parcours de Patrick Devers, où se confondaient sa vie et ses rôles, on peut déceler des signes, des traces de son talent et de ses failles, de sa force et de ses faiblesses. En quatre films, comme autant de moments charnières, retour sur les quatre saisons d'une vie trop vite enlevée. Été 1973, un jeune réalisateur, Bertrand Blier, fils du célèbre acteur Bernard Blier, démarre le tournage de son premier long métrage adapté du roman qu'il a écrit peu de temps auparavant, Les Valseuses. La comédie décalée et provocatrice raconte l'histoire de deux zonards, comme on disait à l'époque, Jean-Claude et Pierrot, qui partent en cavale à travers la France en compagnie de Marie-Ange, une shampouineuse en quête d'orgasme. Pour les rôles de Jean-Claude et Marie-Ange, Blier choisit rapidement. Ce seront deux jeunes comédiens, Gérard Depardieu et Miu Miu. Pour compléter le trio, il met plus de temps à se décider, car il cherche un duo de garçons inégaux, contrastés. Face au rock de Depardieu, il imagine un deuxième personnage, plus fragile. Il se trouve qu'un jeune comédien, copain de Depardieu et Miu Miu, veut absolument ce rôle, et c'est Patrick Devers. Blier lui fait passer des essais, mais il hésite. Depardieu et Devers ont le même gabarit, on est loin du duo envisagé à la Laurel et Hardy. Patrick Devers insiste, il propose au metteur en scène de se mettre en retrait de Depardieu dans la position du plus faible. Banco. Regarde comme t'es beau. Tu sais que t'en deviendrais presque désirable. Enlève ta main, vieux pédé. Oh. Y a pas de honte. C'est pas une question de honte. C'est une question d'envie. Moi, justement, j'ai pas envie. Mais t'en sais rien. Un truc que tu connais pas, tu peux pas savoir si t'en as envie ou pas. Tu crois quand même pas que je vais m'exciter pour ta gueule, non? Moi, ce qu'il me faut, c'est une bonne femme. Tu piges? Quelque chose qui m'attire. Et non pas qui me repousse. Le 20 mars 1974, Bertrand Blier et son trio débarquent dans les salles de cinéma français. Plus de 5 millions d'entrées plus tard, toute une génération se retrouve dans les aventures sexuelles et libératrices des trois héros. Les Valseuses, c'est l'après-mai 1968 sur grand écran. Et puis, un duo est né, Depardieu Devers, digne successeur de Belmondo Delon, le blond et le brun, le premier à l'assurance de son verbe, haut et fort, le second, un jeu tout en rupture, en nuances qui alterne fougue et sensibilité. Porté par le phénomène, Patrick Devers s'installe avec fracas sur le toit du cinéma français. Un monde qu'il côtoie en réalité depuis qu'il est enfant. Patrick Devers ou Patrick Dewaere, est-ce qu'on peut régler ça tout de suite? Ouais, c'est de ma faute. C'est de votre faute? Comment? Je me suis trompé. C'est-à-dire qu'un jour, comme je faisais partie d'une famille d'acteurs et on est 6 enfants dans la famille, et tout le monde s'appelait du même nom. Alors, comme je voulais un peu... passer de l'âge enfant à l'âge adulte, je me suis dit, il faut que je change de nom, c'est ça qui va m'aider. Mais quand j'ai pris Devers, je me suis trompé. Devers, c'est le nom de ma grand-mère. Ouais. Et la première fois qu'on m'a dit, alors qu'est-ce qu'on met sur le générique? Je venais de faire un grand feuilleton télé. Alors comment ça s'écrit? Et j'ai mis un W à la place du V. Alors moi, je dis Devers. Mais ça s'écrit avec un V. C'est con, j'ai fait une erreur. Patrick Morin, Patrick Devers, deux noms pour deux carrières. Identité troublée. Fils de Mado Morin, ancienne comédienne et directrice de théâtre, et d'un père inconnu qui s'est volatilisé à sa naissance, Patrick Devers appartient à la tribu Morin, sorte d'agence d'acteurs, elle toute seule. Oui, dès qu'on a besoin d'un enfant comédien pour un film ou une pièce de théâtre, on se tourne vers Mado qui, forcément, a quelqu'un sous la main. C'est ainsi qu'à 4 ans à peine, Patrick fait ses premiers pas sur les planches. Toute son adolescence, l'enfant poursuit sa route au théâtre et au cinéma, avec quelques embûches. À 16 ans, Patrick découvre qu'il n'a pas le même père que ses grands frères. Première blessure. Quelques années plus tard, il se lasse du métier. Ça fait 15 ans qu'il fait du cinéma, il en a déjà assez. Alors, il abandonne tout et enchaîne le petit boulot. Il faudra une révolution pour que Devers retrouve le chemin des planches. Avant, j'étais acteur avec la petite photo qui va se présenter, qui va dire qu'il rentre dans un bureau, qu'il s'assoit tout péteux sur le bord d'un siège en demandant à un monsieur qui a tout dans les mains « Est-ce que vous voulez bien me prendre pour que je puisse montrer que je peux jouer ?» Et puis, à partir du moment où on fait du café-théâtre, c'est-à-dire qu'on construit soi-même son outil, qu'on a son théâtre, qu'on écrit ses textes, on les emmerde, en gros. Et puis on fait ce qu'on veut, et c'est là qu'on se trouve. Mai 68, Patrick Devers a 21 ans. Il porte désormais la moustache et les cheveux longs. Son mois de révolte, il le passe en compagnie de Romain Bouteille, de Coluche et de Miu Miu. Ensemble, rue d'Odessa, ils construisent un théâtre, le Café de la Gare, écrivent leurs propres pièces et bousculent le théâtre traditionnel. Ils sont libres, créatifs, provocateurs. Tous les jeunes comédiens de l'époque passent par là, Gérard Depardieu, Gérard Lanvin, entre autres. Habitué du lieu, c'est là que Bertrand Blier bâtit son casting pour les valseuses. En 1974, après avoir fui un temps le monde du théâtre et du cinéma, Patrick Devers y revient par la grande porte. Peu de temps avant le tournage des valseuses, lui et Miu Miu sont tombés amoureux. Leur fille, Angèle, naît peu de temps après. 1974, c'est l'été du bonheur pour Devers. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime et qui naît chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Berlin. Un jour, j'ai pensé que si j'aimais vraiment une fille, je dirais des poèmes. Je connais 4 vers, c'est cela. C'est beau. Tu t'en sers souvent. Autant que tu voudras. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime. Tu roules les mécaniques, mais t'as un grand sentimental. T'as pourtant l'amour, non? Alors, qu'est-ce que tu connais de plus important qu'un grand amour? De grands amours. Printemps 76, dans les salles de cinéma, les Français découvrent F comme Fairbanks, le nouveau film du réalisateur Maurice Dugosson. Un choix fort pour Devers. Pour la première fois, il tient le rôle titre. Mais surtout, il affirme son désir de travailler avec des jeunes réalisateurs prometteurs. Dans Fairbanks, il incarne André Francard, jeune ingénieur diplômé, des rêves et des désirs plein la tête, qui se fracasse rapidement sur la réalité sociale d'un pays en crise. Au chômage, il tombe amoureux d'une jeune femme interprétée par Miu Miu et sombre petit à petit dans la dépression et la folie. À travers son personnage, Patrick Devers devient le symbole de toute une génération touchée de plein fouet par la crise économique. Et il porte vraiment le film sur ses épaules. Il déploie un jeu original, à fleur de peau, alternant l'humour et l'émotion, la rage et la joie. On ressent le désespoir qui s'empare de lui à mesure que le film avance. Le public n'est pas surpris. Depuis 2 ans, Patrick Devers a enchaîné les tournages avec notamment 2 films, un grand succès populaire, Adieu Poulet, aux côtés de Lino Ventura, et une prestation remarquée dans le premier film de Claude Miller, La meilleure façon de marcher. 2 films qui lui ont valu des nominations au César. Malgré cette carrière florissante, sur le plan personnel, l'acteur est en proie au doute et à la souffrance. Un mal-être qui l'accompagne de drogue. D'abord la douce et rapidement la dure, héroïne, cocaïne. Entre lui et Miu Miu, la situation se détériore. Devers est de plus en plus instable, colérique, violent, invivable. Quelques semaines avant les premières prises de Fairbanks, Miu Miu le quitte. Et pour de bon cette fois. Dans le film, ils doivent pourtant tomber amoureux. Patrick Devers vit mal cette situation, évidemment. Le soir, après les journées de travail, des cris éclatent entre les 2 comédiens. La frontière entre son rôle et sa vie s'efface. D'ailleurs, lors des interviews pour la sortie du film, on a le sentiment que l'acteur et son personnage ne font qu'un. À partir du moment où je rencontre Miu Miu dans le film, je veux lui donner quelque chose et je peux pas. Et il y a un moment où il y a des disputes parce que je voudrais être quelqu'un de solvable, je voudrais être quelqu'un de solide sur qui peut se reposer une femme. Enfin, moi, en tant qu'homme, j'ai pas besoin de vivre avec une femme comme partageant ma vie. Elle a la moitié, moi j'ai l'autre moitié, on vit ensemble, on forme un couple. Non, j'ai besoin de protéger, j'ai besoin d'avoir un nid, j'ai besoin de faire quelque chose. Vous comprenez? Puis, si je sens que je peux pas amener les branches et tout ça pour faire le nid et que je peux pas le faire, ça, j'accepte pas de former le couple. Donc je refuse le personnage de Miu Miu dans ce film-là, je finis par le refuser, alors que ça pourrait quand même très bien marcher. Allez, loin ! Comme dans la vie, Patrick Devers affirme son style qui surprend, tout en franchise, brute de décoffrage, sans faux semblant. Devers devient le miroir de sa génération, plongée dans ses contradictions entre révolte et intégration au système. Sorte de vedette à la marge, une attitude qui trouble le milieu du cinéma, et l'acteur le lui rend bien. À chaque interview, il prend un malin plaisir à critiquer le conformisme petit bourgeois du 7e art français. Un jour, il rompt un contrat signé pour une comédie du réalisateur à succès Gérard Oury, produite par Alain Poiret, parce que le scénario ne lui plaît pas. D'un seul coup d'un seul, il se met à dos deux poids lourds du cinéma hexagonal. S'il tourne ensuite dans des films populaires et passionnants comme Le Juge Fayard, d'Yves Boisset ou Coup de tête de Jean-Jacques Hano, Patrick Devers fait aussi des choix exigeants, prend des risques et surtout, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Comme à Cannes, en 1977, lorsqu'est présenté le film du célèbre réalisateur italien Dino Rizzi, La chambre de l'évêque, dans lequel il joue. Le film, je l'ai vu pour la première fois hier, ce qui expose un peu la froideur de ce métier parfois. Bien sûr. Et je ne sais pas, je pense que le cinéma italien a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à foutre en l'air, puisque je ne travaille pas gratuitement, je prends pas mal d'argent. Enfin, je n'ai pas été utilisé avec l'égalité. Ça n'est pas votre meilleur rôle ? Non, si, c'est un rôle. C'est-à-dire que j'ai signé, moi, pour un très beau scénario qui n'est pas du tout le film. Et le film aurait pu être génial. En à peine 4 ans, Patrick Devers s'est imposé comme un acteur majeur du cinéma français. Pourtant, ce succès ne résout pas ses troubles personnels, ses angoisses, ses craintes. Le printemps de Fairbanks est passé vite et les nuages de l'automne arrivent. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift brake for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Oh, L'automne 1978, temps gris, ciel bas, vent fort, l'orage guette. Au premier plan, un terrain vague. Au second, les immeubles sans vie d'une banlieue parisienne maussade. Entre boue et béton, un homme au teint blafard, dans un imper beige, sort de sa voiture et se met à danser sur un vieux standard de jazz. Tout est dit dans le titre du projet en tournage, série noire. Noir comme le personnage principal de ce film, écrit et réalisé par Alain Corneau. Franck Poupart est un commercial paumé, excentrique, imprévisible, qui sombre dans une spirale meurtrière après avoir rencontré Mona, une adolescente jouée par Marie Trintignant. Le rôle de Franck Poupart, Alain Corneau l'a écrit pour Patrick Devers. L'acteur dévore le scénario et donne immédiatement son accord. Inspiré par les films de Cassavetes et de Scorsese, Alain Corneau veut tourner au plus près de son héros, le suivre pas à pas, saisir toute la vitalité du jeu de Patrick Devers. Ainsi, il tourne en plan séquence avec plusieurs caméras et il prend le son avec des micro-cravates mobiles, deux techniques novatrices pour l'époque. Tout le film repose donc sur la performance de Patrick Devers. L'acteur rend magnifiquement la confiance accordée par Alain Corneau. Il se livre à corps perdu dans le film. Toute la violence, toute la folie du personnage de Franck Poupart transpire dans l'interprétation de Patrick Devers. D'ailleurs, les anecdotes de tournage sont nombreuses pour décrire son investissement dans le film. Un jour, il n'hésite pas à se frapper la tête contre le capot de la voiture sans protection, ajoutant un chapitre à ses petites histoires qui peuplent les légendes du 7e art. Dans Série Noire, Devers démontre une fois encore toute la singularité de son talent, cette capacité à varier les intentions dans une même scène, comme dans cet extrait où il découvre que la jeune Mona a volé l'argent de sa tante. Mais bon sang, madame, réfléchis un peu! On fait pas sa vie avec 50 sacs! On n'a qu'à prendre le reste? Le reste. Et le reste? Il y en a encore beaucoup comme ça? Non, attention, Mona, attention. Ne nous énervons pas. Pas de panique. Qu'est-ce que t'entends par beaucoup? 10 millions. Mona, t'as beau être une sacrée gonzesse, j'intérêt à me garer les fesses. T'es bien que je reviendrai jamais. Mona, Mona, chienne de vioc. Merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde. On dit souvent qu'il y a des acteurs qui vivent leur rôle. Devers se revendique de cette catégorie, à l'extrême, jusqu'à s'y perdre. Dans Série Noire, encore plus que pour ses précédents films, il y a une sorte d'effroi à le voir ainsi habité par son personnage. La douleur et la violence de Franck Poupart, c'est aussi celle de Devers. Interrogé par Michel Denisot, l'acteur formule ce lien particulier entre ses personnages et lui-même. Est-ce qu'on en sort intact de tous ces rôles? Moi, je pense que de toute façon, quand on fait par exemple le rôle d'un meurtrier, qu'on fait des gestes de meurtre, ben c'est quand même des gestes qui restent, mais finalement les gestes sont toujours là. Moi je pense que oui, ça doit taper un petit peu le mental. Fait rarissime, alors qu'il est déjà sorti en salle, Série Noire est sélectionnée au Festival de Cannes en 1979. Patrick Devers est pressenti pour le prix d'interprétation. Arrivé sur la croisette, l'acteur joue sa carte en fond, donne de nombreuses interviews, affirme qu'il se tuerait s'il ne recevait pas le prix. Contre toute attente, le soir de la cérémonie de clôture, ni lui ni le film ne sont récompensés. Le coup est dur, d'autant que quelques mois plus tard, c'est au tour des Césars d'oublier Patrick Devers. Alors il se sent rejeté par la profession. Même si son franc-parler le présente plutôt comme sûr de lui, Patrick Devers est en réalité toujours en proie au doute, en quête de reconnaissance. Surtout, il n'arrive pas à décrocher de la drogue. Les seuls moments où il y parvient, c'est quand il tourne. Pour le reste, il vit depuis 2 ans avec Elsa, une jeune femme qui se drogue elle aussi. Ensemble, ils ont une petite fille, Lola. L'automne gris et sale de Série Noire n'annonçait pas un hiver plus radieux. Hiver 1980. La saison commençait pourtant comme un conte de Noël. Patrick Devers réussit à convaincre Claude Sauté de le choisir pour son prochain film, Un mauvais fils. Depuis plusieurs années, il veut absolument tourner avec le réalisateur des choses de la vie et de Vincent François Paul et les autres, dont il admire le travail. Au départ, Claude Sauté hésite. Chez Devers, il y a un détail qui le contrarie. Il ne voit pas son personnage avec une moustache. L'acteur vende cette information par son agent, et le jour du rendez-vous, il se pointe devant Sauté, glabre. Et ça marche. Pour le reste, la mise en abîme est à la fois sublime et terrifiante. Un mauvais fils raconte l'histoire de Bruno, un jeune toxicomane qui revient en France après avoir passé 5 ans en prison aux États-Unis pour trafic de drogue. À son retour, sa mère se suicide et son père le rend responsable de ce drame. La relation père-fils, les affres de la drogue sur fond de contexte social difficile, un mauvais fils réduit encore une fois la frontière entre réalité et fiction pour Patrick Devers. Dans le documentaire de Marc Esposito, Claude Sauté se souvient de l'acteur sur le plateau. Il n'a même pas parlé de ses pratiques à propos de la drogue. On savait, je crois, il s'est arrêté pendant tout le film, je crois. Sauf un jour où il avait justement une scène difficile de réveil après un speedage. J'ai eu l'impression qu'il était un peu... Et c'est là où j'ai quand même vu une différence, d'ailleurs. Il était plus nerveux, quoi. Il avait une fragilité. Mais ce qui est intéressant, c'est cette façon, comment dire, Gavroche, ouais, façon populaire de la vaincre par une espèce d'attitude de ton héros. Ah, ça, c'était fascinant. Comme s'il avait une espèce de blessure, quoi. Avec ce film, Patrick Devers poursuit la voie empruntée depuis Série Noire, avec des rôles toujours plus sombres. Des choix récompensés, puisqu'il donne de plus en plus d'épaisseur à ses personnages, dans des films de plus en plus beaux. Il est d'ailleurs très satisfait du film de Claude Sauté, il décide d'en assurer la promotion, ce qu'il s'est refusé de faire depuis quelques années. Fin septembre 1980, il accorde une interview à Patrice Denussac pour le Journal du Dimanche. Bon, l'entrevue se passe bien, Devers lui parle de sa relation avec Elsa, et lui confie... en off, qu'ils vont se marier dans quelques semaines. L'acteur est une star et le scoop est trop beau pour être gardé secret. De toute façon, le off, ça n'existe pas. Patrice Denussac décide alors de sortir l'info. Devers n'en revient pas, il se sent trahi. Alors, avec Elsa et deux de ses amis, il se rend au domicile du journaliste et lui assène un coup de poing. Toutes les radios et les télés relaient l'affaire. Patrice Denussac témoigne, le visage lourdement tuméfié face à la caméra pour les journaux du soir. Dans la foulée, l'agent de Patrick Devers le pousse à donner une interview aux 20h de TF1 pour s'excuser. L'acteur hésite, mais finit par accepter. Et depuis cette histoire, j'ai pris la décision de ne jamais plus faire la promotion des films. Je n'aurai plus jamais aucun rapport avec les journalistes, je ne serai qu'acteur. Vous ne pensez pas tout de même, sans aller jusque-là, qu'un homme comme vous, comédien de renom, devrait être dans les premiers à éviter ce genre d'attitude. De quoi ? Comédien de renom, homme célèbre. Oui, je sais bien. Je sais bien, je regrette d'avoir été jusque-là. Simplement, je dis, peut-être que je n'aurais pas dû lui le frapper. Peut-être que j'aurais dû simplement le disputer. La fréquentation des journalistes fait tout de même partie de votre métier ? Non. C'est une nouvelle forme de cinéma ? Oui. Ce n'est plus le star system ? Non. L'intervention télévisée est ratée, car au-delà des mots qui ont du sens, Patrick Devers paraît hautain, sûr de lui. La corporation des journalistes décide de le boycotter. Ajoutez à cela que ses deux films suivants, Plein Sud et Psy, ne rencontrent pas le succès escompté, que l'acteur a des difficultés avec le fisc. Eh bien, ses amis insistent, impuissants, à une inexorable descente aux enfers. Et pourtant, de temps à autre, il se reprend, Patrick Devers, s'enthousiasme pour un nouveau projet, parvient à arrêter la drogue pour un temps, mais il replonge, sans cesse. C'est une sorte de fatalité désespérée qui suit Patrick Devers, comme son ombre, comme si la fin était là, proche. Et c'est bien ce qu'il dit entre les lignes à Cannes, au détour d'une interview. Tu te vois en vieux acteur, quand tu vieilliras, quoi tu vas ressembler ? Il y a les vieux du cinéma, il y a Brasseur, il y a Simon. Comment jamais vieux ? Non, je serai jamais vieux. C'est-à-dire ? Moi, vieux, c'est pas dans les... On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain. C'est à ce moment-là qu'on devient vieux. J'essaierai de ne jamais avoir peur du lendemain. Effectivement, la fuite en avant se poursuivra, tragiquement. Le 27 février 1982, lors de la cérémonie des Césars, il est nommé pour la 6e fois pour son rôle dans Beau-père, sa 3e collaboration avec Bertrand Blier. Eh bien, nouvel échec. Son ami Rival Depardieu l'a remporté, lui, l'année d'avant, grâce à son rôle dans Le Dernier Métro. On s'étonnera toujours de voir Devers autant affecté par ses oublis de la profession, alors qu'il a toujours tenu à rester en dehors du système. Le 13 juillet 1982, de retour de Guadeloupe pour le film de Lelouch, il donne une interview dans le jardin de sa maison parisienne à une télévision canadienne. On y voit un homme souriant, enthousiaste. Et pourtant, trois jours plus tard, le 16 juillet 1982, Patrick Devers met fin à ses jours. Il emporte avec lui tous ses secrets. Ce qu'il avait à donner, il l'a livré dans ses rôles, en fait. En 8 ans depuis Les Valseuses, il a tourné 25 films. Une carrière comme une comète. Figure d'une génération, symbole de l'homme moderne en proie au doute, jouant de la provocation autant que du désarroi, Patrick Devers est devenu en peu de temps un acteur rare. Un acteur pour qui on fait des films, pas seulement un acteur dont un film a besoin. Et c'est encore ce que traduit l'un de ses derniers longs-métrages, Hôtel des Amériques. Avant même d'avoir l'idée du film, André Téchiné, le réalisateur, souhaitait surtout réunir un couple de cinéma inédit, Patrick Devers, Catherine Deneuve. Dans la scène finale de cette histoire d'amour impossible, Patrick Devers est assis sur le quai de la gare de Biarritz, une chaude nuit d'août. Il monologue sur le regret d'être séparé de cette femme dont il s'est épris. On pourrait reprendre ces mots à notre tour pour dire que Patrick Devers est parti trop vite. Je savais que je finirais par te retrouver. Je te suivais à la trace comme un chien. Je te lâcherai plus, je te poursuivrai toujours où que tu ailles. Écoute, voilà, on va tout recommencer. Tout recommencer. On peut même faire comme si on se connaissait pas. Comme si on s'était jamais vu. Comme si c'était la première fois. Tu vas pas me dire que c'est un orage qui va nous séparer? On est plus fort que ça, non? On est plus fort que ça? Hein? Mais dis-moi que oui. Eh, vas-y, dis-moi que oui. Dis-moi oui. Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Should I stay or should I go? France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Patrick Devers, sa vie, son œuvre, sa mort. Notre invité Thomas Borès, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le mensuel Studio Ciné Live et chroniqueur cinéma sur France 24. Donc amoureux de cinéma, passionné. Amoureux, passionné. Et connaisseur. Alors, en vertu de tout cela, que représente Patrick Devers pour vous? Il représente, comme pour beaucoup de monde, c'est-à-dire le prototype même de l'écorché vif. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, quand on interroge les nouveaux comédiens, ils se réclament tous. Alors, les jeunes femmes se réclament de Romy Schneider, autre destin tragique du cinéma et autre écorché vif, et de Patrick Devers pour les hommes. Donc c'est devenu presque des prototypes même de l'acteur investi totalement, corps et âme, dans un personnage. Donc c'est ça que représente Patrick Devers. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'acteur, c'est comment être à l'écran et se dépasser constamment. Et pour ce qui concerne l'acteur, ses qualités? Ses qualités, c'est ça. En même temps, c'est-à-dire, c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une espèce de chimère au cinéma, la vérité. À partir de quand est-on vrai? Est-ce qu'il faut ressentir complètement toutes les failles de son personnage? On a l'impression, en tout cas, que Patrick Devers avait répondu à la question en étant le plus synchrone possible avec ses émotions. Ce qui faisait que, d'un coup, quand on voit chacun de ses rôles, on se dit qu'il est là, il joue, il est en même temps. Donc tout ça paraît presque cliché, mais c'est vrai qu'il repose sur une espèce de terreau qui est l'acteur studio. C'est-à-dire ce moment où on s'est dit, on va plus écouter les mots des acteurs, les mots M-O-T-S, mais écouter leurs mots intérieurs. Là, je parle de leur programme intérieur. Exactement. Il y a un lien particulier entre le magazine studio pour lequel vous travaillez et Patrick Devers? Esposito, Marc Esposito. Marc Esposito, absolument. D'ailleurs, je crois que vous le citez dans l'émission, qui avait fait un documentaire sur Patrick Devers. Il faut savoir que la revue est née après la mort de Patrick Devers, donc on n'a pas pu vraiment être synchrone, si je puis dire, avec sa vie, sa carrière d'acteur. Mais effectivement, les gens qui ont fondé ce journal, comme Jean-Pierre Lavoigna, étaient évidemment fans de Patrick Devers. Alors, partir depuis le début, cette enfance, quand même, n'est pas anodine. Hein. Dès 4 ans, il est sur les planches. Après le succès d'une pièce, très jeune, il se retrouve à faire une tournée dans toute l'Europe et même en Afrique du Nord. Ça vous marque un homme, ça, forcément? Oui, forcément. C'est-à-dire que là, on peut dire que si un acteur doit se nourrir de son passé, de ses propres failles, de son propre parcours, on peut dire que Patrick Devers est servi avec, je dirais presque, la faille suprême, c'est-à-dire l'absence du père, dont il ne connaît pas l'identité. Et on sait que sur chaque tournage, avec les cinéastes, notamment Claude Sautet en parle très bien, eh bien, il recherchait un père de substitution. Et pour les réalisateurs, c'était juste un acteur de passage. Donc il y avait une espèce comme ça de violence des sentiments dans ce rapport sentimental. Tous ces rapports sentimentaux presque disproportionnés. Ensuite, il y a Jean de la Tour du Miracle, le feuilleton, quand il a une vingtaine d'années. C'est là qu'il choisit le nom de Devers. Pourtant, c'est là qu'il décide aussi de faire une pause. Il rejette en quelque sorte cette idée d'incarner les jeunes premiers. C'est déjà une façon de témoigner une certaine originalité, de refuser le côté jeune star. Parce qu'après tout, au contraire, tous les acteurs qui sont devenus de grands acteurs, ils n'ont pas loupé la marche, ils ne voulaient pas la louper. Lui, il l'a pas loupé non plus, mais il voulait pas la franchir comme les autres. Je pense qu'il a pressenti quelque chose, que le jeu d'acteur avait changé. Ça venait des États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, le nouvel Hollywood, tous ces acteurs qui sont en fait les enfants de Marlon Brando avant ou de James Dean, qui vont donner les Robert De Niro et Al Pacino, qui étaient donc, on l'a dit, totalement investis, corps et âme, je l'ai dit, dans leur rôle. Et je pense qu'il a pressenti ça, Patrick Devers, sauf qu'il fallait que le cinéma change aussi, et il n'était peut-être pas prêt à accueillir la fougue de Patrick Devers ou Gérard Depardieu, et tous ceux qui allaient naître dans les années 70. Il a fallu une révolution pour que tout ça, une révolution intellectuelle, politique, artistique, pour que tout ça... J'ai l'impression que s'il a arrêté, c'est qu'il a senti que sa place était trop grande, sa force était trop grande pour ce que pouvait lui donner le cinéma français. Puisque vous avez parlé de Depardieu, évidemment, quand on dit Devers, Depardieu, on pense au film mythique Les Valseuses. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce film-là qui a vraiment, vraiment fait connaître, ou plus que ça, Devers au grand public, et qu'il est devenu un familier des spectateurs? Ah oui, c'est-à-dire que c'est des millions d'entrées, Les Valseuses, c'est un film qui marque une époque, une génération, c'est le film aussi emblématique de ce changement du star system, on va dire presque Delon et Depardieu sont et Belmondo et Delon sont encore là, mais ils vont changer, ils vont devenir un petit peu les flics, un papa, et voilà, il faut des jeunes, ces jeunes, ils s'appellent Depardieu et Devers, et de jeunes réalisateurs comme Bertrand Blier qui mettent un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième nouvelle vague qui naît à ce moment-là, et Patrick Devers et Depardieu en font partie. Et puisqu'on parle de ces deux-là, il se trouve que Gérard Depardieu, lui, est souvent honoré de certains prix, de César. C'est pas le cas de Patrick Devers. On voit qu'il en souffre alors qu'il s'est mis aussi un peu hors système. Il y a un paradoxe, là. Le paradoxe, c'est que Depardieu incarne aussi l'acteur qui est capable, ça c'est le génie de Depardieu, d'apprendre des textes et des textes et des textes par cœur, que ce soit des classiques, que ce soit des dialogues modernes. Donc c'est une espèce comme ça de mémoire noire vivante de Depardieu qu'il arrive à faire rejaillir comme c'était naturel. C'est le génie absolu de l'acteur. Et Devers, je pense qu'il se sentait un petit peu inférieur à cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'on sent que Devers, tout passe dans l'émotion vive, tout passe dans l'émotion instinctive, alors qu'avec Depardieu, on sent que ça peut jouer là-dessus, mais ça peut jouer aussi sur la mémoire, sur des mots, comment on appréhende un texte. Ce qui aurait été intéressant de savoir, c'est si Devers aurait été capable de faire un Cyrano de Bergerac, par exemple. Ouais. C'est intéressant d'entendre dire que finalement, Depardieu était plus cérébral que Devers. Parce que Devers, ça passe par les tripes, quoi. Bah, ça passe par les tripes, et c'est vrai qu'il le disait lui-même. Et d'ailleurs, tous les rôles qu'il a incarnés sont des rôles contemporains, de personnages contemporains, perdus dans la société. Voilà. Si on regarde la carte de Patrick Devers, on a une cartographie de ce qu'était la France des années 70, début des années 80, avant qu'il demeure. Depardieu, il y aura ça aussi, mais on sent déjà qu'il va pouvoir passer dans d'autres registres, dire des mots de Saint-Augustin, d'Edmond Rostand, enfin voilà, chose qui, à mon avis, Devers, on ne sait pas, on ne saura jamais, était peut-être moins capable, si je puis dire, d'aller sur ce terrain-là. On disait dans le récit tout à l'heure que Devers faisait partie de ces acteurs pour qui on fait des films, et non pas dont les films ont besoin. Alors c'est peut-être le coup, peut-être le cas pour Coup de tête, mais peut-être et surtout pour Série noire d'Alain Corneau, où me semble-t-il, c'est là qu'il est le plus impressionnant. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là. Je partage totalement, et d'ailleurs, tous les acteurs du film, l'actrice Nadine Trintignant qui était là autour, Marie Trintignant, pardon, disait il était, quand il tournait, il faisait son meilleur rôle et il le savait. Il sentait que le rôle de Série noire, de Poupard, dans Série noire, c'était son meilleur rôle et qu'il était en train de le faire. Comme s'il avait une espèce de conscience de l'absolue nécessité de réussir ce rôle. D'ailleurs, la fameuse anecdote où il se tape la tête contre le capot de la voiture et qu'il n'y avait pas du tout d'effets spéciaux à ce moment-là et qu'il se tapait vraiment. On sent qu'effectivement, il y a tout Devers là-dedans. C'est vraiment une espèce de quintessence du travail de Devers. Et tout ce côté très noir, mais en même temps très amusé. Il faut savoir que c'est quand même Georges Perec qui a co-écrit le scénario. On a des jeux de mots un peu bizarres, comme J'en ai marre à Kesh. Donc c'était une espèce de, comme ça, d'oulipo, de film oulipo. C'est très intéressant. C'est presque inquiétant, d'ailleurs. Il était presque inquiétant dans ce rôle-là. Ben, d'abord, le film est fait pour ça, pour nous inquiéter, pour nous secouer. Mais presque inquiétant de voir à quel point un acteur peut aller loin. On était presque inquiet pour lui. Et avant de savoir, d'ailleurs, qu'il allait se suicider, il y avait quelque chose comme un investissement qui nous faisait peur pour lui. Eh bien, Alain Corneau, que j'ai eu la chance de rencontrer avant qu'il ne décède en 2010, et qu'on était revenu sur Série noire, il m'expliquait un peu comment il avait travaillé. C'est-à-dire qu'il avait mis plusieurs caméras, comme à la télé quand on veut saisir le maximum de choses, parce qu'il savait qu'avec Patrick Devers, il fallait tout saisir. Donc les caméras étaient là et ne loupaient rien. Devers le savait, donc il n'était jamais hors jeu, si je puis dire. Il était toujours dans le cadre. Et là, on touche à ce qu'on disait tout à l'heure sur Devers, qu'il était les personnages plus qu'il ne les créait, finalement. Certains ont parlé de capotinage, de surjeu. Est-ce que vous partagez cela? Peut-être pour un ou deux films, pas tout. Toujours le jeu d'acteur, c'est quelque chose, c'est pas une science exacte, c'est de la musique. Alors parfois, on aime différents types de musique. C'est vrai que les comédiens qui montent dans les tours, de Marlon Brando dans Le Tramway de mes désirs jusqu'à Patrick Devers dont on parlait, c'est les acteurs qui existent, qui surexistent à l'écran, ou par exemple les potards, si on parle de musique, sont au maximum. Alors c'est vrai que moi, subjectivement, en tant que spectateur, c'est pas vraiment moi ce qui m'émeut le plus. Je préfère l'espèce de retenue, parfois les notes presque en dessous, les notes justes, alors sans aller jusqu'au cinéma de Melville ou de Bresson, où on cherche absolument la note blanche, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une note différente, il faut l'appréhender. Alors, on parle pas de surjeu. Là, quand on parle avec Patrick Devers, on parle d'un jeu particulier. On pouvait pas demander à Devers de faire autre chose que du Devers. C'était peut-être sa limite, justement. Alors, ce que l'on retient aussi, c'est cette sorte de lien qu'il établit entre ses personnages et sa vie, la preuve, on n'a pas cessé d'en parler. On va écouter une archive, c'est intéressant, c'est Catherine Deneuve qui parle de Patrick Devers, à propos de, et sur le tournage, d'Hôtel des Amériques. Je ne l'ai pas connu vraiment très personnellement parce que il était dans un moment très compliqué de sa vie. Il était avec sa femme, c'était assez difficile à ce moment-là. Et donc, bien qu'on soit en extérieur, on s'est très peu vu en dehors du tournage. Il était très présent quand il tournait, quand on travaillait. Oui. Mais sinon, il était quand même complètement avec elle. Était très émouvant. Il me touchait beaucoup parce que je le sentais très... D'abord dans un moment difficile, et je crois qu'il en a eu plusieurs. Oui, mais je pense que Patrick avait quand même le goût des histoires dramatiques quand même. il était lui-même dans un état qui était... Je n'avais plus l'impression qu'il jouait. Moi, c'est un des rares acteurs qui m'a vraiment fait pleurer. Catherine Deneuve emploie le mot juste, me semble-t-il, quand elle dit « touchant ». Je crois que tout est là-dedans. C'est vrai qu'il est touchant, et puis tous les personnages sont des personnages tellement tragiques. Je pense à un mauvais fils, avec c'est peut-être presque son rôle presque le plus autobiographique, où il y a cette espèce, il y a ce père qui est joué par Yves Robert, qui essaie justement de, il essaie d'attirer son attention. En même temps, on joue quelqu'un qui essaie de sortir de la drogue. On avait là l'alchimie parfaite. Effectivement, c'est hyper touchant. Tous les rôles de Patrick Devers sont touchants. C'est des rôles tragiques à chaque fois. Il y a encore une frontière poreuse entre le jeu et la vie de l'homme réel, la drogue. Ouais, la drogue. Et d'ailleurs, dans le film de Claude Sautet, où il joue donc un junkie qui va rencontrer Brigitte Fossé, une petite libraire qui elle aussi est junkie. Et il y a une scène où justement le personnage aide Brigitte Fossé qui essaie de se sevrer, mais l'aide à se piquer. Et à ce moment-là, il y avait un journaliste qui avait demandé à Claude Sautet, mais est-ce que c'était pas un risque pour lui? Alors là, il parle du personnage. Il dit non, il se sent responsable. Donc le rôle qui est joué par Patrick Devers, il se sent responsable. Donc c'est pas. Après, le journaliste lui dit, mais est-ce que ça risquait pas de perturber Patrick, l'homme? Et là, Claude Sautet répond, non, c'était d'abord un comédien. Alors il faut le prendre avec des pincettes parce que c'était un comédien, mais on sait que la frontière était poreuse avec l'homme et que la drogue c'était quelque chose de tragique pour lui et surtout quelque chose de très sensible. Alors coup de tête, on va pas faire tous les films, mais j'aimerais quand même dire un mot sur coup de tête où là aussi il y a tout Patrick Devers et tous les rôles qu'il a pu jouer, le révolté en marge de cette société du football, ce qui était un peu beau, pardon de dire, mais c'est quand même ce que montre le film, hein, ouais, pour absolument. Le coup. Ça veut pas dire que tous les gens qui aiment le foot sont beaux, bien sûr, je pourrais bien aimer le foot, mais quand même, ça c'est une peinture sociale. Fallait passer par Devers, je pense, pour l'avoir, cette peinture sociale. Absolument, on est dans une espèce de Chabrol dégénéré quand on voit ça. C'est plus que l'univers du foot, c'est aussi l'univers d'une petite village de province, d'une petite ville de province. Son âpreté, sa dureté. Son âpreté, sa dureté, truc, la méchanceté, et comment un type va se venger, hein, c'est un peu le comte de Monte Cristo, va se venger de toute cette société. Le grand drame de Devers, à ce moment-là, tellement investi, il savait pas jouer au football, paraît-il. C'est en tout cas Giroud, l'ancien président de la JOCR, qui a servi de coach à Devers, qui le disait que ça le rendait terriblement malheureux, puisque effectivement, pour croire à un personnage, pour croire à ce qu'il était, il faut qu'il sache faire comme son personnage. Or, les coups francs, les coups de tête, c'était pas trop son truc, en tout cas sur un terrain de football. Alors, on va en arriver à la question difficile d'expliquer un suicide, parce que par définition, le suicide appartient à l'intime. C'est toujours difficile de savoir ce qui se passe. On a diffusé une archive qui était très forte tout à l'heure, me semble-t-il, celle de Bertrand Blier, qui dit, vous savez, le suicide, il y a des gens qui portent ça en eux, puis il y en a qui ne le portent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne le portent pas. Il faisait partie de ceux qui portaient le suicide en eux. Et d'ailleurs, la lettre posthume que Depardieu écrit quand il dit « Je pensais que tu nous quitterais encore plus vite », c'était une certitude terrible que je gardais pour moi. Je ne pouvais rien faire. J'étais le spectateur forcé de ce compte à rebours. Ton suicide fut une longue et douloureuse maladie. Est-ce que c'est de ce ressort-là, il portait quelque chose en lui? Je pense, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que est-ce qu'il pressentait certaines choses? On l'a dit tout à l'heure qu'il pressentait le changement du jeu d'acteur. Est-ce qu'il pressentait que c'était quelqu'un qui n'allait pas vieillir? Il le dit aussi dans une archive. Oui, moi, je ne vois pas vieux. Voilà. Oui, enfin, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire, sauf que j'ai l'impression que chez lui, ça résonnait un petit peu différemment. Bertrand Blier a raison de le dire, que ça ne s'explique pas. Il y a ces dialogues dans un Préparez vos mouchoirs, hein, où vers la fin, il parle de Mozart, il dit il est mort à 35 ans, tu te rends compte, quel gâchis. Bon, Patrick Devers, quel gâchis. L'histoire de cette journée, c'est une répétition de la boxe avec Claude Lelouch, un coup de fil mystérieux. Alors ce coup de fil, pardon de vous couper, il émanerait d'Elsa, donc sa femme, laquelle lui aurait annoncé qu'il ne reverrait plus jamais sa fille, voilà ce qu'on dit. Ben oui. Yves Boisset, lui, alors, a une explication rationnelle, dans son esprit en tout cas. Il le rencontre 8 jours avant le suicide. L'acteur subissait une accumulation de problèmes, témoigne Yves Boisset, histoire d'impôts, dettes énormes, ennuis de santé, certains aspects de sa vie privée qui lui étaient devenus insupportables. Alors là, peut-être qu'il y a des explications là, rationnelles pour le coup. Oui, un homme fatigué, j'ai l'impression qu'un homme fatigué, donc fatigué de vivre. Après, il y a le geste qu'on n'explique jamais, puisqu'entre être fatigué de vivre et s'arrêter, arrêter une voiture, rentrer chez lui, ça fait plein de processus où on a le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Alors là, c'est vraiment, on monte à l'étage, on prend la carabine, on arme la carabine. Il y a plein d'étapes comme ça. On sentait quand même que c'est, on va dire, un suicide prémédité d'une certaine manière, si on peut employer cette phrase-là. Donc, on peut raisonnablement penser que Patrick Devers était presque prêt depuis longtemps à mourir et que c'est cet après-midi-là. Il y a un film formidable de Gus Van Sant qui s'appelle Elephant, qui parle justement de jeunes qui font le... Et il se posait la question, est-ce que c'est parce que le temps qu'il faisait ce jour-là, est-ce que ses enfants, peut-être peut-être qu'ils ont senti quelque chose, pourquoi ils ont eu un comportement irrationnel, on ne se l'explique pas, c'est peut-être voilà, le temps qu'ils faisaient, peut-être qu'ils ont vu quelque chose, une image qui les a choqués, qui a créé le déclic, ça reste le mystère de l'humanité tout entière et donc le mystère de Devers. Il y a un mythe Devers, hein, c'est évident pour tout un tas de raisons, pour la qualité de son jeu, pour sa personnalité, pour son positionnement dans le cinéma et l'industrie du cinéma, le système du cinéma, c'est une sorte d'icône. Quelle est sa place aujourd'hui dans le cinéma français, en tout cas le souvenir? Oui, voilà, alors on voit très bien que ce qui était intéressant de regarder, c'est tous les films sur lesquels il était engagé avant de mourir et de voir tout ce que sont devenus les comédiens. Thierry Lhermitte qui l'a remplacé pour La femme de mon pote, Gérard Lanvin qui va tourner Le prix du danger, hein, formidable avec Piccoli. Oui, de Boissé. Hein. De Boissé, absolument. Ou encore, donc, Michel Blanc pour Tenue de soirée. Donc, ce qu'on voit dans tous ces rôles, c'est que c'est quand même des personnages très différents. Donc, Devers, en tout cas, les réalisateurs le pressentaient, pouvaient aller dans plusieurs directions, du rire aux larmes, d'une certaine manière. Donc, ça, quelque part aussi, sa mort, excusez-moi de dire ça, mais libérer certains comédiens qui, malheureusement, n'obtenaient pas les rôles parce que Devers était présent partout. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure en préambule, tous les comédiens, tous les jeunes comédiens se réclament de Patrick Devers. Il faut souffrir pour exister. J'en ne vois pas, moi, aujourd'hui, des comédiens aussi investis que l'était Devers à l'écran. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bons comédiens. Mais alors, le successeur de Devers n'est pas vraiment en France. J'ai l'impression que si on parle de Philippe Seymour Hoffman, Heath Ledger, Robin Williams, qui sont des comédiens d'ailleurs suicidés, et qui étaient aussi écorché vif, ça serait plutôt de ce côté-là qu'on pourrait le voir. Il sera le mot de la fin, Thierry Mbrez, je vous remercie. Thomas, vous, c'est Thierry, pas grave, je veux bien m'appeler Thierry également. Voyons, mais non, vous appelez Thomas, vous appelez Thomas, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.